En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme. Je regarde le disc jockey. Dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Je regarde le disc jockey. Okay.